بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. L'ensemble des louanges revient à Allah seul, qui couvre d'éloges et salut celui après qui il n'y a plus de prophète. Le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Matrani, qu'Allah le préserve, a dit dans la sixième rencontre des étudiants avec le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Matrali le dimanche 23 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1435 de l'Hégire. Donc, chers bien-aimés, sachez que l'on n'est pas à l'abri du fait que celui qui est encore vivant soit touché par des troubles. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde et l'agré, a recueilli le hadith suivant avec une bonne chaîne de transmission dans son musnad. D'après Al-Miqdad ibn al-Aswad qui a dit, après qu'on lui eut adressé certains propos, je ne dis rien en faveur de personne jusqu'à ce qu'il meure, depuis que j'ai entendu un certain hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'as-tu entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui fut-il demandé. Je l'ai entendu dire, le cœur du fils d'Adam est plus enclin à se retourner que le contenu de la marmite qui serait entré en état d'ébullition, répondit-il. Lorsque le contenu de cette marmite atteint le stade de l'ébullition, comment remue-t-il et se retourne-t-il? À l'instant d'un clin d'œil, il remue à plusieurs dizaines de points différents. C'est ainsi qu'Al-Miqdad disait, « Je n'atteste de rien pour personne jusqu'à ce qu'il meure. » Donc l'individu ne prend comme modèle et exemple de manière apaisée et totale après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui sont morts sur la voie droite. Quant à celui qui est vivant, on espère pour lui d'une part, en craignant pour lui d'une autre, et on ne le considère pas à l'abri des troubles. C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous a été ordonné de dire « Rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaytana » Ô Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Nous demandons à Allah de nous raffermir. Il y a dans cela une réplique à celui qui a dit que celui qui maîtrise la salafia n'est pas amené à dévier. Qu'est-ce donc que cette parole insensée? Il se peut même que cette personne dévie totalement de l'islam et apostasie. Et s'il n'en est pas ainsi, alors quel sens donner à « Ô Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés » Et quel sens donner à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui détournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Cela alors qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout il nous enseigna cela. Il ne convient donc à ce sujet que l'individu demande à Allah de le raffermir et qu'il ne prenne comme modèle que ceux qui sont morts avec la foi en étant bien guidés sur la voie de la vérité et de la piété. Quant aux vivants, qu'il les aime en fonction du bien qu'il y a en eux, qu'il les respecte, les mettent en avant et les honorent s'ils méritent de l'être, mais qu'ils n'attestent pas de leur honorabilité de manière totale et définitive, et nous demandons à Allah de nous raffermir ainsi qu'à vous. Fin de cette tentative de traduction des propos du Cheikh Mohammed ibn Hadi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala le préserve, et qu'Allah couvre d'éloges et salue son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et l'ensemble des louanges revient à Allah, le Seigneur souverain des mondes.